Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ici c'est Asa et Sas, Monsieur As. Yeah, on est posé, t'inquiète. 2008, c'est la mixtape Toxic Sound volume 1. Yo, hey, yo mon coco, j'ai faux toxique, j'te l'explique. Car aux toxines, amorce, dessine au fin fond de mes lexiques. Là des gros mots pour une démo, putain sexe, ça t'excite. Détesté par les biatchs, pourtant j'suis loin d'être sexiste. Mais moi j'reste dirty, place au white Mr. T. C'est parti, 2008, j'rêve d'être riche à la Master P. Alors ça tape dur, man, sache qu'ici j'me débrouille. Brouille les pistes, fils, sache que moi j'm'en bats bien les couilles. Nique la porte et le videur, nique le rap tout mou. Ici trop de gamins, merde, le hip-hop a besoin du nounou. Nouvelle artiste, nouvelle façon de penser. Nouveau flow, nouvelle face, tiens, va de quoi t'ambiancer. Monsieur A sur la Toxic Sound, volume 1. Vladilo représente, alors check ça, mon cousin. Plus de temps à perdre, merde, le temps c'est de l'argent. L'argent c'est du temps pour cause, je suis mon propre agent. Mais pour l'instant, comme Paxson, je jambe, c'est cadeau. Bientôt prêt à faire l'oseille, tout ça sans eau, les travaux. Oh, numéro uno, j'en rêve trop. Gros rap, mon héros, mon bro, je vise. Oh, fais de la place pour un pro. Nouvelle génération, je suis ce nouveau Batou. Pour la France, métissé, mon frère, faut qu'on gratte tout. Ni c'est raciste, rien que d'en causer, cela me fout la nausée. Cela devrait pas exister, bientôt cela risque d'exploser. La haine s'exporte de porte en porte, mais qui l'emporte. Top, top, mais qui est là, c'est le gros, c'est son hip-hop au top. Classique et pacifiste, j'y mets toutes mes techniques. Petit marchand de rime, bientôt je ferai agrandir la boutique. Fumeur de boutique, j'ai le feu en fumée toxique. Voilà le prince, c'est tu demandes, mais c'est qui ce type, Monsieur Lass.